Évaluation du deuxième semestre. Pour notre émission de ce matin sur Radio LM, nous allons vous présenter un reportage sur un des métiers qui vous permettent de voyager. Journaliste, hôtesse de l'air, guide touristique, photographe, une liste de métiers qui font rêver et qui permettent d'avoir une très belle expérience à l'étranger. Nous accueillons aujourd'hui Chantal, qui va nous parler de son métier d'hôtesse de l'air. Bonjour Chantal, quelles sont les qualités d'une hôtesse de l'air? Eh bien, il faut avoir au moins 18 ans et savoir parler deux ou trois langues. Il faut aimer travailler en groupe. L'équipage est notre famille le temps d'un voyage. Il faut savoir garder son sang-froid auprès des passagers, surtout dans les situations d'urgence. Il faut être ouvert d'esprit, aimer voyager, aimer faire le service. On doit être dynamique et bien évidemment avoir le contact facile. Quels sont les avantages de ce métier? C'est un travail non routinier qui nous permet d'avoir beaucoup de temps libre. Nous voyageons régulièrement, découvrons des endroits magnifiques, logeons dans de très beaux hôtels et rencontrons beaucoup de personnes. Merci Chantal.